pas de blabla, je reste dans le vrai. Fais pas de blabla, je reste dans le vrai. Sans péril, dès que j'atterris, terrible, la terre tranche. On dit ne pas calculer ceux qui parlent, ouais, mais je les baisse tous. Allez dégage, mon équipe rap sec, c'est franc rap, prends les gars, ça vient de la cave, mec t'inquiète, c'est la chronique, frappe lyrical, impact verbal sur mes palais, c'est trop de balles, laisse les parler, celui qui va me faire taire à cette heure-ci, crois-moi qu'il est pas né. Si les rages sont sortis, c'est que la machine est en marche, si j'y arrive qu'ils se mettent à watt, c'est trop magique d'être en marche, on sera jamais VIP, tu me verras jamais dans closer, claquer les buts pour mon équipe, un peu comme Miroslav Klose. Monter la banque, la porte est close, et mec tout casse, et je pense qu'à ça, tu veux de la prod, est-ce que de mon gros, dis leur passer au magasin, je suis déter comme un spartiate, mon pote, je choque comme Starsky, dans mon vaisseau spatial. J'ai trop la dalle et le piton calcine. Si je tombe, je me relève. Qu'on me dise que les mecs augmentent le level. Que 600 fois mieux qu'à l'époque où tu bougeais déjà la tête sur le verre. De traumatiser, empiler les classiques par dizaines. J'ai trop de flow abusé, faut les faire parler les médisants. Hein. Bientôt 10 ans, hein. J'ai zéro fap, zéro fan. Détail des phases au cellophane. J'fais déjà l'amour à ma musique, j'vais pas venir faire du zélophane. J'vais pas rester assis bloqué en attendant que la mort me prenne. Hein. Fini de suffoquer, l'avenir y est temps de le voir de près. Tu crois que c'est les autres qui partent, plus on ne se cap, balotte, c'est toi. C'est quoi, j'vais tout niquer avant de dire bonjour aux autres étoiles. Puisque Dieu me donne de la force pendant que tu t'endors dans ta foule. Si je suis tombé dans la fosse et que je me suis jeté dans la foule, rien en foutre si tout va bien, sache qu'après le pot t'en vient la foudre. Tant qu'on va pas laisser passer la chance, il faut tout baiser dans la chance. On finit de rapper dans ma chambre, faut réussir là où les gens sont eux. T'as pigé, laisse les rien foutre, laisse les rentrer les gars de Michel. Dis-leur bénisse pas l'heure de l'échec, nous on emmerde la vue de Michel. Dis-leur bénisse pas l'heure de l'échec, nous on emmerde la vue de Michel. Passionné, moi j'en ai tous les symptômes, mec, j'suis opérationnel, j'rappe à m'en péter les abdos. Explicite, lyrics explosifs comme la sotte. J'me fous de qui vous êtes et parfois tout niqué j'hésite. Et du putain de passionné, moi j'en ai tous les symptômes, mec, j'suis opérationnel, j'rappe à m'en péter les abdos. Explicite, lyrics explosifs comme la sotte. J'me fous de qui vous êtes et parfois tout niqué j'hésite. Exercice de style, j'suis venu soigner l'attitude. Bande ton putain de bura, motherfucker, j'vais l'opérer. T'as cru que j'étais malade, hein? Appelle pas le tout bip. 2015, on va tout ken et sa part. D'un gros tout bas, j'dis tout haut ce que tu penses tout bas. Fuck la polygamie, les gamines, les mégalomanes, on régale au mic. Cherche pas de lumière, y'en a pas qui s'élimine à toi. Allez, dégage, t'inquiète, on passera les éliminatoires. Ah, tu voulais que je débite comme un bâtard. J'arrive à coup de pompe, mon smoke sort, c'est pas bâtard. Ok, c'est la bataille, c'est qui parle sur ma chronique. Pareil que le gros, c'est barabé. Écoute, j'te botte le cul, mon pote, j'ai de la rime à la pelle. Tu vas courir à ta perte, tu celui qui volera ta perle. Laisse-moi prendre ma part avant que mes rêves s'évaporent. Écoute, là, ça sent le shit et j'suis perdu dans ces vapeurs. Épargne-moi tes problèmes, mon pote, on a les mêmes empires. T'es mal, les galères qu'on empile, hein. Toutes ces têtes de mort aux yeux rouges et le tympan. Non, votre douleur ne m'atteint pas. Rendez-moi mon cœur, promets, je ferai la bise à la vie. Faut que je me fasse la main, allez vite, non, je vais pas tomber dans les vapes. Prends-moi tes putes au carré VIP, tu veux pomper, bah allez, va. Écoute, je suis dans les temps depuis que la haine m'a dit péra. Maintenant, ils se pètent les dents, ils verront tous ma zik est rare. Parce que ça vient du cœur, en aucun cas, c'est par la tête. 2015, je viens tout baiser, tout ça sans contrat pour la texte. Comprends, je vois plus l'amour et ces temps-ci, je fais du péra. J'aime trop fumer le micro, docteur. Dites-moi, est-ce opérable? Te sens pas déclassé si à chaque fois je sors un classique? Parler de moi, c'est déplacé, on sait ce que c'est que d'être à sec. À quoi bon sortir ce soir et cramer des consos? J't'ai déjà dit, j'aime pas les putes, mais ramène-moi des consonnes. Chaque jour, j'y mets de l'avoir en bas de ton sirop pour la toux. C'est bien mes armes, mon pharmacien, dégage ta sirop sur la touche. Moi j'en ai tous les symptômes, mais j'suis opérationnel, j'rappe à m'en péter les abdos. Explicite, lyrics explosifs comme la sotte. J'me fous de qui vous êtes et parfois tout niquer j'hésite. Et du putain de passionné, moi j'en ai tous les symptômes, mais j'suis opérationnel, j'rappe à m'en péter les abdos. Explicite, lyrics explosifs comme la sotte. J'me fous de qui vous êtes et parfois tout niquer j'hésite.